green du golf. Au bord de la piscine, sous leur chapeau de paille, toutes les stars de la terre sont venues prendre un verre. Champagne, champagne, Mozart au téléphone, il sera là ce soir. Thatcher, Jagger, Joe Jackson et U2.